Bonjour et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, mais avant ça, j'ai la chance d'être accompagné de Romu, Joss et Jerem, comme toutes les semaines. Messieurs, comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Ouais, ça va super. Ça va nickel, ouais. On va commencer par les news cinéma. Comme d'habitude, le programme, il a un petit peu changé contrairement à la semaine dernière. On va commencer par la première news. Je crois que Joss y a réagi sur Twitter, je suis pas sûr. C'est une news qui fait un peu peur. Disney souhaite interdire la projection des films Fox à l'avenir. Ah ouais. Au cinéma. Ce qu'on peut compter dans les films Fox, c'est par exemple Alien et j'allais dire Brad Pitt, mais c'est Fight Club que je voulais dire. Ben, c'est scandaleux et en fait, il arrive un peu ce que tout le monde craignait quand Disney a racheté la Fox. En fait, on avait un peu tous peur de ça et on s'est un petit peu dit non, ils vont quand même pas oser faire certaines choses par rapport au film un peu plus violent et un peu plus particulier de la Fox. Et en fait, on se rend compte que ouais, Disney va vraiment tout avaler, tout englober. Et en fait, ils vont nous pondre leurs trucs assez petits et habituels et c'est bien dommage. Ouais, mais pourquoi ils font ça en fait? Est-ce qu'on sait ou pas du tout? Parce que concrètement, je veux dire, limite, ça aurait pu leur rapporter de l'argent de C'est pouvoir relancer quelques leur image projections. de marque, je pense. Voilà, Disney, c'est Disney et ça doit rester Disney. Tout est beau, il faut que tout le monde soit représenté. Faut pas que ça soit immoral. Il faut vraiment de la belle moralité de partout. Et du coup, ouais, non, c'est soigne leur image de marque, je pense. Bah, soigner leur image de marque en détruisant des, enfin, en interdisant la projection de films cultes, c'est quand même pas des masses soignées, quoi, parce qu'ils se sont pris une shitstorm, mais aussi. S'ils le font, c'est qu'ils ont étudié la chose et ils ont envisagé que pour eux c'était positif. Après, pour moi, c'est très négatif, mais on verra bien. Bah, est-ce qu'ils gagnent de l'argent à diffuser ces films lors de Je suppose que rétrospectives? maintenant ils ont des parts. Parce que. Mais avant le rachat de Disney, est-ce qu'ils touchaient des parts Fox? En proposant ces films lors de rétrospectives, Ah ben bien sûr, je pense, ouais. et ça rapportait peut-être pas assez, je Ça sais pas. rapporte que dalle, mais le fait étant que pourquoi les interdire, tu vois, à partir du moment où rien que ça te rapporte 1 euro, pourquoi tu l'interdirais? Surtout qu'il y a quand même de gens qui sont archi fans de films cultes comme ça. Enfin voilà, plus pour avoir fait Club au cinéma, ça fait quand même chier. Si on pouvait plus proposer aujourd'hui des Mad Max, des Interstellar, des trucs comme ça, aller voir au cinéma, bon, on serait un peu là en mode c'est dommage, quoi. Mais je pense qu'on est en train de vivre un deuxième code ICE. Code ICE, c'était vraiment un code de censure qui est apparu dans les années 30 Au jusqu'aux années cinéma. 60 au cinéma. Donc c'était un code de morale imposé par un sénateur américain Ouais. qui empêchait de montrer vraiment tout le côté violent et sexuel dans les films. OK. C'était détourné par certains réalisateurs comme Alfred Hitchcock. Je pense notamment à la scène de fin dans La mort aux trousses. OK. Voilà. Donc Ça je s'appelle pense qu'on est en train de... une dictature. C'est ça, la C'est une dictature... dictature, Aux du grandes cinéma, oreilles. gros. Aux C'est grandes dingue. oreilles, ouais. Mais du coup, c'est quoi? C'est quelque chose d'officiel, ça, quand même? Ou c'est vraiment pour parler pour l'instant? Mon autre question, c'est, ils veulent pas directement arrêter de les mettre dans quelques moments au cinéma et tout, dans quelques salles et tout, pour pouvoir essentiellement le mettre dans Disney+, justement? Bah, j'en doute parce que qu'est-ce qui t'empêcherait? Bah, le film il fasse une fois tous les 10 ans au cinéma. Pourquoi ça empêcherait des gens de s'abonner au Disney Plus, tu vois, que le mec il aille voir le Fight Club dans 3 ans après? Non mais en fait le problème c'est que ce qu'on peut craindre c'est qu'ils commencent par ça et que après ils vont même arrêter parce que vu le monstre qu'est en train de devenir Disney c'est qu'ils vont arrêter de nous produire certains genres de films et en fait on va se retrouver toujours avec un peu la même merde Marvel au cinéma tout le temps et moi je pense que c'est dangereux pour nous qui aimons le cinéma parce que moi je me vois pas par exemple vivre qu'avec du Marvel, je dis la vérité, c'est Ah bah ça... inconcevable. Heureusement, on n'en est pas là. Il y aura toujours des petits studios indés et tout pour Ouais, fournir le toujours. concept, Mais le tu vois. problème, c'est que s'ils sont pas diffusés. Tu vois ce que je veux dire? C'est au cinéma, en fait, on va avoir toujours les mêmes films au cinéma. C'est-à-dire que du coup, si tu as des films indépendants, donc qui vont se faire totalement bouffer par la machine Disney, tu vas faire quoi? Tu vas devoir aller les voir à l'arrache en streaming sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que. Attends, mais on parle que des films sortis depuis Ouais, longtemps, hein. mais qu'est-ce qui va venir après? Ah, après, j'avoue, je sais pas, je connais pas trop l'avenir avec Disney. J'avoue, je pense pas, personnellement, je pense pas qu'ils sont capables de faire un truc comme ça. On dit toujours, oui, Disney c'est mal, oui, Disney c'est mal, dans le sens où ils sortent la même soupe et tout. Bon, il y a genre The Mandalorian, je suis persuadé que ça va pas être pour les enfants, Non, mais je pense que ça sera pas violent non plus. Tu vois, ça hein. Bah, sera pas de ce que forcément tu vois pour dans les les trailers, enfants. quand même, c'est pas les Looney Tunes, quoi. Il y a un mec qui se faisait découper dans une porte, quand même. Ouais, mais je pense que quand même, tu vois, ça restera quand même familial. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça sera pour les adultes, mais je pense qu'un enfant de 9 ans, il peut le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera toujours entre deux, quoi. Ça sera jamais ils vont pas nous faire un Joker, quoi, tu vois. Bah, bon, écoute, En même temps, à 6 ans, j'ai regardé l'Exorciste, donc. Oui, après, voilà. Est-ce que l'âge, des fois, ça y fait quelque chose? Ouais, mais c'était une autre génération. Ouais, c'est une autre génération, mais maintenant, c'est pire, mec. Hein. Et il y a des gens qui regardent Game of Thrones, ils ont quoi? Ils ont 7-8 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça me choque pas plus que ça. Hein. Peut-être un souci de contrôle aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet, quoi. Oui, c'est autre chose. Mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas que Disney... Il faut que certains studios arrivent vraiment à les contrer. Et je pense qu'en faisant, par exemple, je reprends le Joker, mais le Joker, c'est quand même l'exemple type d'un film violent qui a cartonné et qui a multiplié sa mise par 20. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus de studios qui prennent de risques comme ça pour un peu contrer Disney, parce que je pense que sinon, pour nous, cinéphiles et passionnés de cinéma, on va droit dans le mur. Après, honnêtement, je ne sais même pas si Joker, ça fait réellement mal à Disney. Je crois que c'est eux qui se sont dit « c'est bien ». Au moins, il y a des films, on va peut-être pouvoir changer même d'autres styles de super-héros. Peut-être qu'on a peut-être une porte. Qui prennent cet exemple. Il faudrait qu'il y en ait d'autres gros studios qui prennent l'exemple Joker. Tu vois, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y en ait qu'un par an. S'il n'y a qu'un film comme ça par an, c'est sûr que ça ne sert à rien. Il faut qu'il y en ait plus qui prennent le risque. Et il faut qu'avoir peur du moins de 12 ans, du moins de 16 ans pour se dire, ouais, on enlève un peu de sang pour que ça fasse plus d'entrées. Il faut arrêter de voir comme ça. Et le problème, c'est en pensant comme ça que tu arriveras un peu à contrer Disney. Si tu fais toujours tout aseptiser, eh ben, tu vas dans leur sens et eux, ils continueront à avaler tout le monde, ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il y a un truc qui pourra nous donner une direction un peu de comment ça va aller. C'est Deadpool, savoir s'ils vont garder Rated R ou pas, et est-ce qu'ils vont prendre vraiment la même direction que faisait la Fox, justement, ou est-ce que ça sera différent dans le sens où aseptisé pour le coup. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant de voir comment ils vont gérer, sachant qu'ils sont en discussion depuis pas mal de temps avec Ryan Reynolds, je crois. Mais ils avaient dit que pour Deadpool, ils allaient laisser le champ libre. Hein. Ouais, moi, c'est ce qu'ils disent, quoi. Après. Mais ça sera déjà un élément de réponse, on aura déjà un petit élément de réponse. Ouais, voilà. Écoutez, bon, bah écoutez, on va voir ce que nous réserve l'avenir de Disney+, enfin de Disney tout court, pardon. On va passer au casting de The Batman. On a eu trois nouvelles têtes d'affiche, disons, beaucoup en rumeur, notamment Andy Serkis, Colin Farrell et Matthew McConaughey. On a déjà un gros casting avec Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz et Jeffrey Wright. Pour le coup, pour Andy Serkis, on parle d'Alfred. Pour Colin Farrell, on parle du pingouin. Et pour Matthew McConaughey, on parle de double face. Alors, j'avoue que, à part Matthew McConaughey, les deux autres, je ne les voyais pas du tout dans ce rôle-là. Andy Serkis en Alfred. Ah bah moi, je trouve que ça le fait grave. Je trouve qu'en apparence, ça ne le fait pas. Mais maintenant, le casting de The Batman, jusqu'à présent, ils ont fait des bons choix. Perso, tu vois, j'aurais pas pensé à lui en premier, quoi. J'aurais pensé à un Sean Harris ou même... Jeremy Irons qui l'avait interprété dans le Batman avec Ben Affleck, c'était des bons choix, tu vois, qui avait plus la gueule de l'emploi qu'un Serkis qui est assez petit. Oui, bon après la taille, je pense qu'on s'en tape un petit peu. Non, moi je trouve que c'est intéressant parce que je suis d'accord avec toi, hein, physiquement ça correspond pas à Alfred, mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'Andy Serkis il a quand même une gueule un peu particulière, quoi. Il a une gueule. Et moi, je trouve que ça fait encore plus un univers sombre, du coup, tu vois, quand je veux dire Andy Serkis en Alfred, parce qu'Alfred, c'est un peu le mec, le gentleman, quoi, le mec gentil, le mec propre sur lui. Et là, je trouve qu'ils mettent un peu quelqu'un qui fait sale, entre guillemets, quand je dis sale. Et du coup, bah, je trouve que moi, quand tu me dis cette rumeur, je me dis, ouais, putain, le film, ça va vraiment être ultra sombre. Et du coup, c'est pour ça que ça m'enchante, en fait, ce choix-là. C'est bien être officialisé. Après, je suis d'accord avec toi, hein. Je disais pas que je voulais pas le voir dans ce rôle-là, je disais tout simplement, pour moi, il avait pas la tête pour. Et par exemple, si on parle de Colin Farrell, alors c'est un acteur à qui j'ai de plus en plus de mal, enfin, je trouve que... Un peu surcoté, peut-être. Ses rôles, ouais, voilà. Des fois, j'adore certains de ses films, je pense à Phone Game, par exemple, que je trouve absolument excellent, et c'est avec Phone Game que j'ai découvert, d'ailleurs. Mais là, pour le pingouin, bah, pareil, c'est risqué, peut-être, mais ça peut le faire. Moi, ça m'étonne pas plus que ça, ouais. Enfin, je trouve qu'il peut avoir la bonne gueule pour faire le pingouin. Alors, c'est vrai que Colin Farrell, je suis un peu comme toi, je le trouve vachement surcoté. Mais bon, concrètement, ouais, je sais pas, il pourrait avoir la gueule du pingouin. Ça m'étonne pas. Mais il y avait des rumeurs pour un Jonah Hill dans le rôle du pingouin. Ouais, mais il y a eu des rumeurs, mais après, ça a annulé, ouais. Bah, c'est dommage parce que je trouve qu'il avait le physique un peu trapu, petit, ouais. Pingouin. Ouais, mais après, il a perdu beaucoup de poids. Ouais, puis à la base, Jonah Hill, c'était pas pour le pingouin, c'était pour l'homme mystère. Ah ouais? Ouais, c'était pour l'homme mystère, il était en concurrence avec Paul Dano, c'est Paul Dano qui a eu le rôle. Mais John Hale, ouais, c'était pour l'homme mystère à la base. Voilà, mais du coup, une question que se pose maintenant, c'est, y a un gros cast, mais caler tout ça dans un premier film, ça paraît pas compliqué un peu? Alors moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. autant de méchants dans un film, ça me fait un peu flipper. Mais bon, pourquoi pas. Ben ça dépend, on repart sur les origines du Batman ou pas? Non. Non, non. Ben voilà. C'est, on est déjà sur quelque chose d'intégré, quelque part. Oui, oui, oui, bien sûr. Mais ça fait quand même beaucoup de méchants dans le même film. Après, apparemment, Double Face, il sera en tant que Harvey Dent et pas encore en tant que Double Face, pour le coup. Ah ouais, je vois. Peut-être qu'il y a deux films à faire ce que Exactement. Superman a fait en un seul. Exactement, ouais, je pense. Moi, c'est un casting qui m'intéresse vraiment parce qu'on donne une sorte de tournure un peu plus indépendante au film, puisque c'est des acteurs qui se sont tournés vers le cinéma indépendant. Paul Dano, Colin Farrell, qui a joué dans La mise à mort du cerf sacré, et j'en passe. Ouais. Robert Pattinson aussi, qui a joué avec Claire Denis, enfin, pour Claire Denis. Et enfin, voilà, c'est des acteurs qui sont tournés vers le cinéma indépendant, donc ça peut donner un résultat sympa. Ok, ouais, je vois. Bah, sachant que c'est complètement... Ouais, pour le coup, vas-y, Jérôme. Ouais, en vrai, tu m'as dit Matthew McConaughey, franchement, c'est ce qui m'a encore plus hypé pour voir le film Batman. Hein. Tu étais au courant ou pas du tout? Attends, c'est qu'une rumeur hein, pour l'instant. Mais le truc, c'est que voilà, tout le monde en parle, donc je suppose qu'il y a une partie de fumée sans feu, ouais. Moi, j'étais pas du tout au courant. Moi, j'apprends un peu les trucs. Pas non plus, Joss là. De quoi? T'étais pas au courant? Bah, si, j'ai même partagé l'info sur le Twitter de la chaîne. Hein. De Matthew? Eh oui, j'ai commenté le truc et j'en ai même parlé dessus, mais... Ok, autant pour moi, j'avais pas... Et lui, il est numéro 1 sur Batman, hein, de toute façon. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est tu vrai, sais que vrai. Dès qu'il y a une info Batman, j'ai un bat signal chez moi qui s'allume. Sur l'ordi. Bah, en vrai, c'est pas faux, parce que à chaque fois que je me réveille, le matin, t'as fait un tweet sur Batman, donc... Ah bah oui, bah, désolé d'être numéro 1 sur l'info Batman. Bah écoute, pas de tout, heureusement qu'ils font un tweet, parce que sinon, mon pauvre, tu t'amuserais pas des masses avec ton bat signal. Oh putain, c'est clair. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Bon, on va passer à la suite, messieurs. Ah, est-ce que vous avez entendu parler du coup de com' sur Jack Ryan, sur la série Jack Ryan? Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi? Non, c'est quoi? C'est saison 2, là, c'est ça? Un coup de com' de la part d'Amazon. C'est saison 2, tout à fait, ouais. Qui est sorti le 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. Le 5 novembre, Amazon a lancé une opération donc pour la saison 2 de Jack Ryan avec le hashtag Amazon Bing Shopping. En fait, de quoi? Exactement, Amazon Bing Shopping. Donc, vous savez que Jack Ryan, c'est détenu par Amazon, Amazon Prime Video notamment. Et en fait, Amazon, ils ont dit, les gars, on lance un truc. Le 5 novembre, entre 9h et 23h59, dès que vous trouvez un objet qui est dans la série, si vous le trouvez sur Amazon, on vous le donne, on vous l'offre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas moins de 400 000 tweets de Français. C'est une opération française. 400 000 tweets de Français entre 9h et 23h59 le 5 novembre qui réclamaient des choses. Le plus gros prix étant un bon d'achat de 3 000 euros. Et il y a au total 20 000 euros de dons répartis en bon d'achat, justement. Et impressionnant. Impressionnant. Je crois que 3 000 euros, c'était la montre, justement, de John Krasinski dans la série. Elle valait 3 000 euros sur Amazon. Donc, le mec a eu un bon de 3 000 euros. Il y avait des conditions particulières, mais c'est, je trouve, un coup de com' intéressant qu'il faudrait peut-être plus mettre en place de la part des services de SVOD. Ouais, mais c'est un coup de com' qui coûte cher. Donc, je pense qu'ils vont pas le refaire à l'avenir. Ouais, mais imagine combien de personnes connaissent la série Jack Ryan maintenant. Mais le problème, c'est que moi, ils me font ça sur Batman. Je l'ai fait fermer. Hein, je leur fais faire faillite. Bah, pourquoi? Ah, bah, parce que je vais tout trouver. Je vais tout chercher. Mais putain, je vais passer ma vie sur le bordel. Ils vont fermer les rideaux, les Amazon. Mais, il y a bien moyen, ouais. Non, pour le coup, c'est une bonne idée. C'est drôle. Après. Perso, toi, le problème, c'est que c'était bien, mais j'en ai pas entendu parler. Tu vois. Donc, peut-être que ça n'a pas fait tant de bruit que ça, je sais pas. Mais... Ouais, bah, c'était quand même en top, surtout toi qui te bats souvent sur Twitter, c'était quand même en tendance. Hein. Ouais, ouais, d'accord, ouais, bah, c'est bien. Donc, tes infos sur Batman et tes hashtags Batman, t'as dû rien voir, quoi. Et moi, j'ai vu quelques affiches aussi dans le métro. Jack Ryan, ouais. Il comme pas mal autour. Bah, notamment, parce que moi, Jack Ryan, je trouve, j'ai vu la première saison, j'ai commencé la deuxième. C'est une série que je trouve très, très bien. Franchement, puis John Krasinski, je l'adore, donc. Ça vaut le coup d'œil. Mmh. Voilà, messieurs. Et il prévoit une saison 3 ou... Je ne sais pas du tout pour l'instant. D'accord. La saison 2 a mis quand même plus d'un an à sortir, 2 ans presque, je crois. Ouais. Donc franchement, je ne sais pas du tout. Je pense qu'ils prennent leur temps, ils ont bien raison. John Krasinski, qui est occupé de toute façon à tourner Sans un bruit 2, parce qu'il réalise un corps de mémoire et il écrit. Donc voilà, hein, je pense qu'ils ont tous des petites occupations. Ouais, bah moi je trouve que c'était une mauvaise idée en fait de faire ça. Je ne comprends pas l'idée. Enfin, je trouve que si tu fais une bonne série... Bah, les gens la regarderont ou les gens l'oublieront pas, enfin je sais pas. Si tu fais quelque chose de qualité, pour moi les gens vont aller voir. Je trouve que c'est genre venez voir pour faire des vues, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas fou, mais bon. Ah, tu trouves que c'est un peu putassier, quoi, comme Ouais, voilà, je trouve je trouve ça un peu inutile. J'ai l'impression qu'Amazon, il a tellement d'oseille qu'il dit ah, allez, vas-y, on va faire des opérations comme ça, c'est cool. Je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est mon point de vue après. Ridicule, carrément. Ouais, je trouve ça sert à rien du tout. Je comprends pas le concept de faire ça. Ouais, c'est juste de la com, mais de la com revisitée. Je pense que c'est intéressant de pas toujours communiquer de la même manière. Hein. Ouais, mais dans 10 ans, tu vas la voir comment la série ? Tu vas dire ah ouais, je m'en souviens, là, c'était un truc pour gagner ça. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pas forcément. Pour avoir vu la série, moi, la saison 1, je m'en suis toujours rappelé. J'attendais la saison 2 avec impatience, tu vois. Là, on en parle comme ça, mais la saison 2, on s'en rappellerait pas pour. Parce que pendant une journée, Amazon a lancé un gros coup de com, tu vois. Donc bon, pour moi, c'est intéressant. C'est un nouveau moyen de communication. Enfin, un nouveau moyen. Ouais, c'est une nouvelle manière de communiquer plutôt. Mais pourquoi pas ? Ben, ils se sont bien servis des réseaux sociaux. Moi, je trouve ben, ça voilà, voilà. Voilà, moi, je trouve ça intelligent. Et puis, ça a permis aux gens de s'occuper quelque part. C'était vraiment interactif. Je pense que c'était interactif. Pour le coup, c'était interactif, ouais. Ouais. Et quand tu vois, vraiment, il y avait beaucoup d'objets. En plus, c'est marrant parce que quand tu vois tout ce qu'il y avait, ils ont bien réussi leur coup, je trouve. C'était relativement marrant. Voilà. Mais de toute façon, Amazon Prime Video, c'est une plateforme qui monte en ce moment. Ben, elle montera surtout quand tu auras le Seigneur des Anneaux, quoi. Et Star Trek aussi, la série sur Picard. Ouais. Ouais, bah déjà comme un mec qui s'appelle comme un magasin de surgelés, ça craint de ouf déjà. Non, et puis je trouve que marche, Amazon quoi. Prime Video, ça tente beaucoup de choses et j'aime de plus en plus ce qu'ils sont en train de proposer dans leur catalogue et que ça soit dans leurs films ou dans leurs séries, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, okay. Je peux glisser une petite info comme ça. Le tournage de The Boys saison 2 est terminé. J'ai vu ça tout à l'heure sur Twitter et j'en suis enchanté. Justement, moi, pareil, on parlera de The Boys tout à l'heure et on parlera aussi d'une plateforme de SVOD en particulier. Messieurs, vous verrez. On va parler de James Dean et voilà, c'est une news que nous a partagé Romu. Oui. James Dean fera son retour sur le grand écran dans Fighting Jack, un film de guerre pour un rôle secondaire uniquement. Et en fait, ils vont le recréer numériquement grâce à des photos. Des images d'archives, sa voix quant à elle sera doublée par un autre acteur. Alors, les propos du réalisateur que je trouve particuliers, vraiment, leur démarche pour faire ça est vraiment particulière, je trouve, c'est « Nous avons désespérément cherché le parfait acteur pour incarner le rôle de Rogan, qui est extrêmement complexe, et après des mois de recherche, nous avons opté pour James Dean. » Ouais, bah, moi, tu vois, ça, je trouve ça putassier, mais là, par contre, ça, moi, je trouve ça limite honteux, tu vois. Ah ben, je trouve ça un peu aberrant aussi, parce que depuis quand tu vas chercher dans les acteurs décédés pour des rôles, quoi ? Ben, c'est malsain, quoi. Je veux dire, là, on dirait un épisode de Black Mirror, quoi. C'est n'importe quoi. Ben, écoute, ils ont peut-être en perspective de tourner un épisode de Black Mirror sur le film, d'ailleurs. Non, mais tu sais, ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Je vois pas, c'est bien possible, hein. C'est juste du buzz pour du buzz, et ça, parce que c'est clairement, c'est de la merde. Laisse James Dean où il est. Il a déjà une grande carrière. Si tu as du James Dean, tu vas voir ses anciens films. Mais tu vas pas recréer un mec mort juste pour faire un film moderne parce que tu te dis, soi-disant, il y a aucun acteur qui correspond à ton personnage pourri, là, mais c'est nul. Ouais, bah, je trouve que ça pose des problèmes d'éthique, en fait. Bah, carrément. Si maintenant on peut recréer des acteurs morts, dans c'est la mémoire collective, on se souviendra différemment des acteurs, en fait. Bah, je pense que le plus étonnant, en fait, c'est que bah, ses proches ont donné leur accord, en fait. Ouais, c'est la famille de l'acteur. Et ils sont sur le projet, ils sont là, ils soutiennent. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Mais le fait que les proches soient d'accord, ça fait pas genre quelque chose d'éthique. Hein. Des fois ils se disent juste bon, il y a peut-être un petit billet à se faire, quoi. On a une villa à reconstruire, donc voilà quoi. Ça, des fois c'est peut-être juste ça. Hein. La famille, ils étaient peut-être pas forcément non, extrêmement mais... proches. On sait pas, tu vois. Ça c'est sûr. Mais du coup, je trouve que quand même, si bien pour la famille que pour le studio qui veut faire ce film, je trouve qu'il y a quand même un gros problème. Il y a un gros problème. Quoi. C'est pas normal. Bon, messieurs, on va passer au trailer de la semaine. On va commencer par Triple Threat. C'est un film avec Tony Jaa, Iko Uwais, Scott Adkins et Michael G. White, notamment, dans les rôles principaux. Est-ce que quelqu'un est hypé ? Moi, pas vraiment, parce que c'est pas trop mon style de film. Toi, les films d'arts martiaux et tout, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime beaucoup Iko Uwais, je sais pas trop comment on dit son nom. Uwais, ouais. Ouais, voilà, bah, j'aime bien parce que, en fait, c'est pas trop mon genre de film, mais j'ai adoré The Raid. Et si je me trompe pas, c'est lui qui joue dedans. Oui, et du coup, voilà, lui, j'avais vraiment adoré parce que, franchement, The Raid, j'avais pris une bonne claque dans ma gueule quand je suis allé voir ça. Et pourtant, j'y suis allé à semi-reculons, on va dire. Et du coup, je suis assez curieux de voir ça parce que je sais qu'avec Scott Adkins et Tony Jaa, ça va certainement envoyer du lourd. Donc, voilà, pourquoi pas. Je pense qu'en tout cas, les fans du genre, ils doivent être un peu en transe devant ce film avec ce casting. Je pense qu'ils doivent être assez contents. Écoute, c'est bien possible. Moi, je suis pas fan du genre, mais pareil que toi, j'ai adoré The Raid et j'ai vu quasiment tous les films de Hugo Weiss. Je les ai vus tous, je crois. T'as vu la série aussi ? Pardon, excuse-moi. La série Netflix ? Ouais. Ouais, je l'ai vue. Mais moi, il y en a. Enfin, les effets spéciaux, surtout, t'avais envie de pleurer tous les deux mètres. Mais vraiment, c'était sympa autrement ? Non, franchement, c'est moyen. C'est très, très oubliable. Ok, moi, bon, je la regarderai pas alors. Non, je la regarde pas, t'as raison, franchement. Ouais. Bah, du coup, ouais, je sais pas, ça a l'air de bien me hyper. Ça va faire un mélange un peu entre Hong Bak et je dirais un peu The Raid, un peu. Ça fait un peu un mélange de ces deux films, un peu, je dirais. Ça m'intéresse, ouais. Ouais. J'avoue que ça m'intéresse. Moi, je suis très fan de films d'arts martiaux, on va dire, kung fu, arts martiaux, karaté, tous les styles d'arts martiaux, hein, de toute façon. J'aime beaucoup, donc je regarderai ça, c'est sûr. Ça, un peu comme un Donnie Yen et tout, quand il sort un film, je suis beaucoup. Ok, bah écoute, le problème, c'est que c'est un film d'action, et souvent, ce qui me dérange le plus devant les films d'action, c'est le montage du film. On pense à 22 Miles, Sacre-Pan qui s'est fait chier dessus grâce à son super montage, n'est-ce pas, Joss? Ouais. Putain, c'est... Et donc voilà. Et là, en tout cas, ce qu'on peut dire, moi, c'est que je trouve la bande-annonce extrêmement ratée. C'est vraiment un boogie-boogie d'action et on comprend pas. Ça, c'est vrai. Dommage. Par contre, ça, c'est vrai. C'est dommage. C'est très cuté. Mais c'est un peu le poison, on va dire, dans tout ce qui est toutes ces bandes-annonces comme ça, un peu d'action. Voilà, c'est souvent surcoté. Donc, du coup, c'est difficile de savoir ce que va donner le film. T'as dit surcoté pour surcuté? Non, surcuté, excusez-moi. Ah, ok, j'avais pas compris, c'était en mode les bandes annonces. Pour ma part, je suis pas du tout hypé. Je sais que je suis pas le public visé par ce genre de film. Et quand je vois Scott Adkins au casting, moi ça me donne pas du tout envie. Mais t'aimes bien Scott Adkins, non ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, je l'ai aimé dans un film, Un seul pour survivre. Peut ouais. Survivre, je crois, peut-être. D'accord. Ou Boyka. Ah, un seul deviendra invincible, oui, d'accord, Boyka. Voilà. Oui. Mais sinon, c'est pas un acteur que je trouve incroyable. Quoi. On le voit souvent dans les DTV. Il est plus que moyen, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on le voit souvent dans des second rôles. En fait, je pense que ce qui va intéresser les fans, entre guillemets, du genre, c'est les confrontations entre ces trois acteurs, en fait. Tu vois, c'est ça que les gens vont se dire, putain, Ico contre Scott, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ils jouent sur ça, hein, parce que clairement, le film, tu vois très bien qu'il a rien à raconter. Hein, ça va être juste de la baston pendant une heure et demie. Et voilà, donc... Faut être fan. Ouais, totalement, clairement. Thaïlandais. Scott, je crois pas qu'il soit si chaud que ça. On l'appelle Scott comme si c'était notre pote, mais on le connaît pas. Hein, mais je crois pas que ce soit si chaud que ça en vrai, parce que hors de ces films-là, notamment Un seul deviendra invincible, il a fait quelques films d'action, mais il est loin, tu vois, d'un Tony Jaa ou d'un Iko Uwais. Oui, c'est vrai. Mais après, pour moi, par exemple, toi, Scott Adkins, c'est Un seul deviendra invincible, tu vois. Pour moi, je l'associe directement à ce film-là, tu vois. Donc, pour moi, dans ma tête, Scott Adkins, il est invincible. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Toi, t'es parti loin. Ah ouais, parce que pour moi, franchement, pour moi, c'est pas un acteur, quoi, donc... Ah oui, non, d'accord, voilà, ouais. Moi, on en était là. Et apparemment, le film, il est vendu comme un The Raid-like. Oui, c'est ça, mais c'est ça, ça fait toujours peur, ça. Non, mais de toute façon, dès qu'il y a un Iko Uwais dans un film, c'est The Raid-like, hein. Faut pas chercher. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, ouais. La com, elle est comme et ça. Et dès qu'il y a un coup de pied retourné, c'est un Van Damme-like et un The Raid-like, ouais, voilà, maintenant, c'est... Ben, surtout quand il y a Iko Uwais, quoi, ils en ont vraiment fait l'effigie de The Raid, donc les gens le connaissent pour ça, en fait. Et The Raid, mine de rien, ça a très bien marché, en France aussi, et c'est un très bon film d'action, The Raid 2 aussi, d'ailleurs, écoutez, pourquoi pas. Très bien filmé, franchement. Pour le coup, très bien filmé, ouais, très bien filmé. Tout à fait. D'ailleurs, le réalisateur de The Raid avait fait l'excellent Le Bon Apôtre sur Netflix. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as vu, Joss ? Ouais, tu m'avais dit de le regarder, je l'avais regardé et j'avais pas accroché plus que ça. Mais tu vois, ça c'est un peu, c'est toujours pour le même problème pour moi, ça c'est des films, je pense qu'au cinéma, j'aurais beaucoup plus accroché que le regarder sur mon canapé devant ma télé. Moi c'est ça que les films Netflix, j'ai toujours une approche un peu distante, parce que moi un film, j'ai besoin d'être au cinéma pour vraiment rentrer dedans. Donc, voilà. Bah, c'est vrai, j'avoue, il y a presque une ambiance un peu Shyamalan. Et ouais, exactement. Et ça pour moi, il faut que je sois au cinéma, sinon tu me perds. Ok, bah écoute, je vois le genre. C'est vrai qu'on n'a pas la même portée émotionnelle quand on regarde un film sur son petit écran que sur le grand écran, tu vois. Ouais, oui, c'est pas pareil. Ah bah clairement. Bon après, j'espère que les gens regardent pas des films sur leur téléphone. On va passer à l'abondance de The Grudge. Alors là, j'attendais rien du tout. Et pour le coup, je suis un petit peu hypé, parce qu'en fait, j'ai vu du Hérédité. Un petit peu d'Hérédité. Quand t'as vu la fille grimper sur le mur, c'est Hérédité. Hein. Mais moi, j'y pensais. J'ai pas vu la fille grimper sur le mur. Bah ouais, à un moment donné, t'as un plan où en fond, t'as une femme qui fait l'araignée sur un mur. Et là, c'est clairement Hérédité. Il a raison. Hein. Ouais. Mais non, moi, c'est plus, tu vois, dans l'ambiance, dans vraiment la musique aussi. La musique, enfin, vraiment l'ambiance musicale, ouais. Moi, tu vois, c'est quoi ? C'est ce que j'ai noté en premier pour la bande-annonce de The Grudge. J'ai mis en gras sur ma feuille la musique et le violon. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me prend tout de suite au trip. Moi, dans les films, toutes les BO à base de violon, ça fonctionne, mais plus sur moi. Et la bande-annonce, bon, ça a l'air toujours d'être un petit peu la même chose. Hein. On commence un peu à comprendre. Il y a beaucoup de jumpscares, tout ça. Après, c'est assez bien rythmé. La bande-annonce, elle est assez bien foutue avant bien le film. Mais il y a cette musique qui, franchement, moi, j'adore. Ça, je kiffe. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'acteur principal, John Cho, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. John Cho, excellent. Moi, j'adore vraiment comme acteur. Qui a joué notamment l'année dernière dans The Church. Exactement, l'excellent The Church. The Church. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Okay, non, mais il est dans ma liste. Ah, Churching, ouais, tout à fait. Ouais, je crois que tu m'as prêté le Blu-ray, je me semble. Faut que je le mate. Ouais, probablement que tu me l'as pris, ouais. Ouais, faut que je le mate, celui-là. Ouais, il est excellent. Moi, je trouve très, très fort. Donc, ouais, regarde-le, il est vraiment bien. Et John Chu est très bon. Petite bad news sur l'acteur, justement. Il était en tournage pour la première saison de l'adaptation live de Cowboy Bebop pour Netflix. Ouais. Et ça aurait été cool. Il s'est blessé. Oh, dommage. Il a eu une grave blessure et le tournage est reporté d'un an, apparemment. Ah merde. Voilà. Mais lui en Cowboy Bebop, c'est fou. Ah, ça sera fou. Je connais pas. Bah, c'est une série de manga culte. Non, ça, oui, ça, je sais, mais je connais pas plus que ça, quoi. D'accord, ok, pas de problème. Et ça a été repoussé à cause de sa blessure. C'est dommage. Ouais. Bah écoutez, on espère qu'il s'en remettra. Servante de Shyamalan à venir sur l'Apple TV+, Joss. Eh ben moi, en fait, je veux dire un truc sur Shyamalan, c'est que toutes ces bandes annonces de tous ces films, elles donnent super envie, mais à chaque fois. Et ce mec, enfin, je sais pas si c'est lui vraiment qui gère les bandes annonces, mais son équipe, ses studios. Ils ont un don pour faire les bandes annonces, c'est-à-dire que même si après ces films, il y en a certains où c'était très mauvais, mais les bandes annonces, ça te vend le truc, mais trop bien. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que la bande annonce, moi, m'a donné super envie. J'ai trouvé ça très intriguant, comme d'habitude avec lui. J'ai trouvé des plans qui fonctionnaient d'enfer. Et franchement, ça m'a trop donné envie, quoi. J'ai vraiment hâte de regarder. Et Romu, toi, je sais que t'aimes bien Shyamalan. Ouais, moi, j'aime beaucoup le cinéma de Shyamalan. J'ai découvert le projet très récemment, enfin, grâce à toi, du coup, avec la bande annonce. Je ne sais pas si on pourra la voir, nous, la série. Est-ce que l'Apple TV Plus sera disponible pour tout le monde ? Ben moi, je l'ai. Donc oui. D'accord, bon, ce sera disponible. J'en parlerai à la fin, justement, j'ai une. Ok, ben je vais pas développer plus dans cette direction. Mais ouais, ça me donne très envie. J'ai trouvé des plans vraiment intéressants, des plans très Shyamalaniens. c'est clair. Ouais. Voilà, moi en tout cas ça me donne grave envie, et puis il y a Rupert Green quand même, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà. J'espère qu'il aura un bon rôle, parce que récemment on l'a vu dans Snatch, l'adaptation en série de Snatch, et c'était pas très bon, franchement c'était pas très bon. Ok, t'as regardé. Le premier épisode, c'était vraiment pas très bon. Aïe, ok, ouais. Juste si je peux me permettre de rajouter un truc qu'on n'a pas précisé, et peut-être que tu faisais la confusion, Joss, c'est une série. Ah non, mais je sais que c'est une série, j'avais compris. Ok, d'accord. Non, mais je disais, c'est que ces projets sont toujours très bien vendus en bande-annonce, quoi. Que ce soit, voilà, ces films ou ces séries, mais c'est toujours bien vendu. Ben moi, de mon côté, je suis assez d'accord avec Joss. C'est vrai que les bandes-annonces de Shyamalan, ça donne envie à chaque fois. Hein. Mais après, c'est normal, il y a toujours le côté un peu... on veut découvrir ce qui se passe et tout. Il y a un mystère à chaque fois dans ses films, hein. C'est son truc à lui. Après, moi, je dirais que j'ai un problème avec cette personne-là, voilà, c'est qu'il y a des films que j'adule, que j'aime tellement, style Sing, Sixième Sens, Incassable. Et là, j'ai vu récemment... Split et Glass, voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, j'aurais préféré qu'il fasse une série sur Incassable. Je trouve qu'un univers étendu qu'il aurait pu mettre en place, voilà. Bon, après ça, c'est qu'un détail. Hein. C'est ce que je pense qu'il aurait pu faire. Mais effectivement, ça donne envie. Il y a ce côté un peu mystérieux et tout. Alors, est-ce que ça va me plaire? Je sais pas. Je regarderai, mais ça donne envie en tout cas. Passons aux sorties et au visionnage de la semaine. Ça va être assez rapide, je pense. Sur le petit écran, notamment Netflix, le 8 novembre, vendredi 8 novembre, on a un film qui s'appelle Flocon d'amour. C'est un teenage movie romantique de Noël, messieurs. Au casting, on a Kiernan Shipka, qu'on a vu aussi sur Netflix dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina. On a Isabella Merced. C'est Isabella Monner, mais elle a changé de nom. Et pourquoi ? Je sais pas du tout. Je pense que... Elle s'est mariée. alors je suis pas sûr que ce soit ça, vu qu'elle est à peine majeure. Mais je pense surtout que c'est un nom de scène. Il y en a qui les aiment jeunes. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un nom de scène. Je pense qu'elle s'est fait connaître petite et qu'elle n'a pas eu le temps de choisir de nom. Donc peut-être que maintenant, elle en a choisi un, vu qu'elle est passée... De toute façon, il n'y a personne qui va regarder ça, franchement. Qui c'est qui va regarder ça ? Bah moi. Bah moi aussi. Putain, mais les gars... Bah, reste tout le monde, toi. Bah, bon, bonjour, moi. C'est franchement, ok, Jérém me bannit pas, toi bien. Film de Noël, les gars. Enfin, je sais pas, vous avez une âme ou vous avez pas d'âme, vous, genre Noël. Non, mais je sais pas. Les films M6 de Noël, là, moi, j'en sais. C'est pour moi, c'est regardable. C'est oui. Ah, mais c'est, oui, on parle pas d'un film M6, là, on parle d'un film. C'est pour la ménagère. C'est pareil. C'est pour la ménagère de 50 ans qui va voir son petit thé et tricoter un pull. Franchement, c'est moins de 50 ans, parce qu'il y a quand même des acteurs qui ont tourné dans des teen movies. Je pense notamment à Kieran. Ouais, Chippa, donc. Ouais, mais enfin, ça sera sans moi. Il y a aussi Jacob Batalon de Spider-Man. Spider-Man, ah ouais, alors que s'il est là, lui, c'est sûr que je regarde, quoi. Non, ouais, c'est nul. Non, non, mais après, si vous avez un petit côté féminin, moi, je le respecte et je suis très content pour vous. Vous l'assumiez comme ça, c'est très bien. Mais moi, non, c'est pas. En tout cas, je suis vraiment pas la cible de ça et des films de Noël, j'en suis pas du tout la cible. Et j'adore Noël, hein. Mais j'ai d'autres classiques à regarder plutôt que regarder ces films pour adolescents et pour les ménagères. C'est pas pour moi. Ah, moi, je suis assez d'accord avec lui. Hein. J'avoue que j'aime bien Noël, mais les films de Noël comme ça, c'est pas mon délire aussi. Ok, bah écoutez, on va passer histoire de pas non plus se faire brûler vivant. Ouais. on va passer à la sortie de Le Mans 66, film de James Mangold, réalisateur de Logan. Christian Bale, Matt Damon et John Bernthal en rôle secondaire. John Bernthal, évidemment, parce qu'il est toujours en rôle secondaire, le pauvre. Joss, je sais que t'adores Christian Bale. Ah, moi, je vous dis tout de suite, il y a l'avant-première mardi soir. Ça fait 3 mois que j'ai ma place réservée et j'ai vraiment hâte de voir ce film. Parce que James Mangold, j'aime beaucoup. Christian Bale, j'adore. L'histoire de base, elle me plaît pas tant que ça parce que je suis pas trop fan de mécanique, tu vois, les 24 heures du Mans, tout ça, je m'en tape un petit peu. Mais depuis le film Rush, j'ai vu que je pouvais accrocher sur du film, tu vois, de course automobile. Et du coup, là, je suis vraiment hypé et j'ai vraiment hâte de voir celui-là. Excellent Rush d'ailleurs, qui est très. Excellent. Je pense que. Ouais, ça fait un moment même qu'il y a l'annonce, hein, d'ailleurs. Hein, je sais plus, ça fait combien de mois, mais ça commence à faire un petit moment. J'ai très très hâte de le voir, hein, ce film. Hein. Ça a l'air d'être un film très ambitieux, j'ai l'impression, avec beaucoup de moyens. Donc ça me donne énormément envie. Moi, c'est pas un film que j'attends particulièrement, parce qu'il y a quand même pas mal de sorties là, de prévues jusqu'à la fin d'année. Mais si j'ai le temps, je le regarderai, je pense, parce qu'il y a un casting assez lourd. Un bon réalisateur derrière, c'est celui qui a fait Logan, oui, si je ne me trompe pas. Entre autres. Ouais, entre autres, parce que je pense qu'il a fait autre chose. Mais j'ai il a fait 3h10 pour Yuma, Identity, qui était sympa. Et oui, Logan, qu'il a vraiment... Et plus récemment, il a fait quoi? Logan. C'est Logan, je crois, son dernier, non? Je pense que c'est Logan. Hein. Moi, je l'attends pas particulièrement, parce que les films sur les sports automobiles, c'est pas... T'as vu Rush ou pas? J'ai pas vu Rush, mais ça me donne pas envie parce que vraiment, le sujet me... Hors du... Mais le sujet à part, franchement, le film est excellent. Ouais, honnêtement, pareil. C'est Renaud. Ouais, tout le monde en a du début en ce celui-là. Ouais, il est excellent, Rush. Il y a aucun doute à ce niveau-là. Ok, je le noterai. Franchement, Romu, je suis pas aussi sur les trucs automobiles, hein, les films automobiles et tout. C'est pas mon délire du tout. Mais là, je dis franchement, pourquoi pas, ça m'a donné envie. Il y a quand même un gros casting, quand même. Hein. Matt Damon, Christian Bale, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, je pense que... Tu peux miser dessus les yeux fermés, je pense. Bah après, ouais, si c'est bien fait, si le sujet est bien traité, ouais, ça peut... Bah, ça a l'air d'être le cas sur les bandes annonces. Après, bien sûr, on n'a pas vu le film. On ne peut pas juger, mais en tout cas, ils vendent du rêve un peu. Et puis, les premiers retours, ils sont très bons. C'est un prétendant aux Oscars, me semble-t-il. Ouais, donc... ouais, carrément, ouais. Les retours sont très, très bons. Et il va avoir trop de movies, en fait, hein, pour les Oscars. Ça va être compliqué, hein, tout ça. C'est intéressant, du coup. Tant qu'ils nous mettent pas les Marvel, on est bon. Ouais, mais Joaquin Phoenix, il a déjà son Oscar. Je suis pas si sûr, moi. Je sais pas. Je sais pas. Ça peut très bien être Brad Pitt. Tu sais pas, en fait. Non, je pense pas. Non, Brad Pitt, non, je crois pas. Mais je pense qu'il aura pour le second rôle. Je pense pour Once Upon a Time in Hollywood. Mais on sait jamais avec les Oscars, tu vois. Des fois, on sait pas sur quel pied danser. Ouais. Bon, je propose qu'on voit ça à l'édition 7ème fréquence des Oscars, n'est-ce pas? J'en dis que du bien. J'avoue qu'il y a eu une bande-annonce qui est sortie ou pas? Ce que j'ai sûrement pas vu. Ok, je n'ai pas vu alors. Hein. La bande-annonce, je crois que j'ai vu juste l'affiche, il me semble. Oui, je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu que l'affiche. Écoute, moi, ça me hype, Jean Dujardin. Je peux pas dire plus, voilà. Roman Polanski, moi, forcément, voilà. Mais bon, Jean Dujardin, c'est mon acteur français préféré, donc il est clair que je vais le regarder. Par contre, à défaut, j'ai pas vu le Dain, tu vois. Donc ça, faut que je me le regarde bientôt, là. Ça a l'air d'être assez... Ouais, ouais, mais je sais pas s'il y a de bons retours sur le Dain, mais moi ça m'attire en tout cas. Oui, des bons retours. Ok, bon écoute, ça c'est sûr que c'est un film ça que je vais regarder. Écoute, c'est sûr que j'accuse, j'irai le regarder parce que ça a l'air d'être assez bon. Il sort. Ben moi j'en ai déjà parlé dans une précédente émission parce qu'on avait parlé du film. On avait parlé dans toute première émission. On n'était que deux d'ailleurs. On était que tous les deux tête à tête, donc je vais répéter vite fait ce que j'avais dit. À la base, ça m'intéresse pas plus que ça, mais il y a quand même un bon casting. Il y a Roman Polanski derrière. J'avais trouvé que la bande-annonce a donné assez envie. Il y avait de beaux décors, une belle lumière, ça rendait assez bien visuellement et du coup, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, pour ma part, ça me donne pas envie. Voilà, le cinéma de Roman Polanski, je connais pas des masses. Voilà, et même le sujet, ça m'intéresse pas. Je le calerais peut-être. J'accuse, tu sais ce que c'est? C'est un film historique, non? J'accuse? Ouais. Non. Tu connais pas le J'accuse de Émile Zola? Non. Pas. T'as jamais entendu parler? Non. Ok, bah écoute, renseigne-toi sur le sujet. Et j'ai vu aucune bande-annonce en plus. J'ai vu aucune bande-annonce du film. L'affiche est vraiment très belle, esthétiquement parlant. Mais j'ai vu aucune. Mais le film sera beau, hein. Esthétiquement, je pense qu'il y a une vraie esthétique. Le film, ça sera très joli. Ouais, bah pour un film français, ça m'a l'air pas trop mal. Et puis, Jean Dujardin, cette année, il a enchaîné les projets assez. Il a enchaîné les projets ambitieux. Et ça, c'est bien. Ouais. Bravo à Jean, à notre Jean-Jean. À notre Jean National. Je dis ça, je ne connais plus que ça, mais Quentin Dupieux et Roman Polanski dans la même année, c'est pas mal. Et Pierre Verne et Delépine aussi. Les deux trublions de Groland. Le film s'appelle Les deux trublions de Groland. Non, c'est. Okay. Non, de toute façon, il a quand même une carrière plus qu'honorable. Hein. Non, je disais que Jean Dujardin, justement, il a une carrière assez exceptionnelle dans le sens où il n'avait rien. Et il est parti de rien, et puis il a tout, quoi, donc... C'est un exemple. Moi, j'aime beaucoup, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jean Dujardin, sa carrière, je sais que toi, Anto, t'aimes pas Brice et tout, mais je sais que lui, c'est un de ses personnages assez assumés, voilà, il est content de le faire, c'est son personnage un peu de cœur, donc je vois qu'il met du cœur, en tout cas, dans les films, Brice, donc voilà, je sais que t'aimes pas, mais bon, c'est quand même un truc de sa carrière important. Bah, disons que j'aimais Brice quand j'avais 12 ans, mais bon, voilà, j'ai plus... tu vois, moi, la carrière de Jean Dujardin, pas de problème, hein, elle est très bien, il a un bon film. J'ai rien contre Jean Dujardin, mais pour moi, Brice, trop, quoi. Bah après, il n'a pas fait que ça non plus, tu vois. Ouais, voilà, ça serait dommage de le qualifier de Brice. C'est vrai que c'est ces films qu'on fait énormément d'entrée, mais ça serait dommage de dire, voilà, Jean Dujardin, c'est Brice. Ouais, ça serait puis dommage moi, en plus, pour moi, pour le coup, Jean Dujardin, pour moi, c'est même plus Brice, c'est ouais, ça. Je suis d'accord avec toi, ouais, tout à fait. C'est OSS 117, c'est lui à 100%. Et ce qu'il a réussi à faire du coup de force, c'est qu'il a fait quand même plusieurs personnages un peu cultes, tu vois, parce que même dans Un gars, une fille, tu vois, son personnage de genre dans Un gars, une fille, il est quand même culte, tu vois. Ouais, tout le monde connaît un gars. Brice Denis, tout le monde le connaît. Et OSS 117, beaucoup de gens le connaissent. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est bien, ouais. Passons à Countdown. Alors, on dirait que c'est une production Blumhouse. C'est pas du tout le cas. Ça s'inscrit vraiment dans la veine des productions Blumhouse à la Action ou Vérité, notamment, et d'autres films comme Happy Birthday. Par exemple, pour le coup, c'est pas du tout produit par Blumhouse. Et moi, l'abondance m'a pas donné envie. Et franchement, il y a beaucoup de com' en ce moment autour du film. Est-ce que tu l'attends, toi, Romu? Non, c'est pas un film que j'attends. Je le regarderai certainement quand il sortira en DVD ou sur une plateforme de SVOD. Parce que c'est pas des films que j'irai voir au cinéma. Franchement, bon, c'est plutôt en DVD. Merci. On fera un débat plus tard, je pense. J'ai beau bien aimer les prods Blumhouse et tout. Bon, là, c'en est pas une, mais franchement, de manière générale, elle ne mérite pas, genre Action Vérité, l'achat d'un Blu-ray ou d'un DVD. Ah non, carrément. Putain. Donc voilà, une petite VOD qui traîne par là, sur Canal. Pourquoi ça fera très bien le taf, je pense. Après, je pense que c'est un film qui plaira aux ados, parce que c'est un film qui traite d'un sujet d'actualité, je pense. Les réseaux sociaux. Ouais, traite des réseaux sociaux avec le genre horrifique, qui mélange genre horrifique et réseaux sociaux. Donc je pense que ça peut leur plaire, à mon avis. Mais moi, en tant que cinéphile, jeune adulte, j'y vois aucun intérêt, personnellement. Il y avait Ma dans la même veine, cette année justement, ouais. Qui traitait aussi des réseaux sociaux, beaucoup des réseaux sociaux et de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Bon, c'était que un objet pour servir le contexte, mais ça c'était raté pour le coup. Enfin, moi je trouve personnellement, c'était... et pourtant c'est une prod Blumhouse, mais c'était raté. Ah, je suis passé à côté, pourtant il y a Octavia Spencer. Okay. Octavia Spencer, elle a le rôle principal, elle fait flipper, hein. Mais le film il est mal fait. Voilà, le film est mal fait, de manière générale, il est pas intéressant. La fin ça se finit, ils ont oublié d'écrire deux chapitres. Enfin, moyen, quoi. Oh, c'est triste. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup, je l'attendais, mais bon. Mais moi, je pense qu'au-delà du fait que ça parle, on va dire, d'un sujet plus pour les ados, je pense même à la base, ce style horrifique cible vraiment les ados de toute façon. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous faire envie en soi. Donc, moi, c'est un peu mon avis que je dirais sur ce genre de film. Moi, ce n'est pas le genre de film qui m'attire. Bah, je suis d'accord avec toi. Hein. Là, pour le coup, moi, là où je ne rejoins pas, c'est que ce genre de film, quand c'est produit par Blumhouse, ça me fait envie. C'est Blumhouse, c'est un truc. On sait que derrière, il y a un studio qui a envie de faire les choses bien. Mais là, pour le coup, c'est même pas produit par Blumhouse et je pense que c'est ça qui me donne pas envie, quoi. En fait, pas intéressant comme projet. D'accord, ok. Bah, écoute. Mais des projets comme Happy Birthday, par exemple, j'ai été les voir au cinéma, quoi. Ok, ça, t'avais hypé, ça. Putain, la bonne annonce m'avait vraiment pas donné envie. Ça m'avait pas hypé, mais à l'époque, j'avais une carte Gaumont de sécurité pour le 1. Ouais, et, d'accord. Je l'avais vu et au-delà d'être un bon film, c'est un film qui se laisse regarder, tu vois. D'accord, ok. On est sur du film correct, entre potes, ça peut bien passer, quoi. Entre potes, t'as tout résumé parce que c'est une comme moi, je pense entre potes, ça passerait très bien. Mais après, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Happy Birthday 2 était pas trop mal dans le genre comme suite. Ils avaient de bonnes idées, franchement. Et en termes de réal aussi, c'était ok. Donc voilà, Blumhouse en général, ils essaient de faire les choses bien et parfois ils y arrivent, parfois ils y arrivent pas. Mais je pense qu'il y a une vague comme ça qui arrive dans le cinéma horrifique, une vague de teen movie, on va dire, un peu horrifique. On a Black Christmas qui va arriver. À Blumhouse pour le coup. Voilà, mais bon, ça fait partie justement de ce genre horrifique. S'il y a un public derrière, pourquoi ? Mais ça, c'est un remake. Ouais, mais ouais. C'est un remake, mais c'est un remake d'un film. Un film d'ado, non ? Oui, mais pour le coup, c'est totalement un film d'ado. Quelle était ta question, Jérém ? Oui, je voulais savoir, c'est quoi ? C'est eux qui ont fait Ouija et tout ? Ou pas du tout ? Blumhouse, en gros, leur comment on appelle ça ? Leur mantra, de manière générale, c'est de produire des petits films, des films à petit budget. Et essayer d'en faire des cartons. Leur politique, plutôt. Ouais, enfin, leur mantra, c'est pareil, t'inquiète. Et Ouija, c'est eux, en effet. Ouija 2, qui est pas trop mal. Hein. Ouija 2, les gars, si vous l'a réalisé, vous allez bugger. Hein. Vas-y. C'est le réalisateur de The Haunting of Hill House. Hein. Ah, quand même, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, voilà. Donc, et Ouija 2 était mille fois mieux que Ouija 1. Et il était pas trop mal. Hein. Il y avait de bonnes idées, de très bonnes idées. Ouais, j'avais détesté. C'était quoi ? C'était son premier film, Ouija 2 ? Non, c'était pas son premier film, je crois. Je crois qu'il avait fait un truc avant, mais c'était un film qui l'avait fait remarquer parce que quand tu passes après un film qui est totalement raté comme Ouija, réussir une suite, c'est compliqué. Bah, c'est pas 100% réussi, mais tu vois qu'il y a de bonnes idées et que le mec, il a envie, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, super info. Ouais. J'avoue que là, ça te donne encore plus envie de le regarder. Passons au visionnage de la semaine. Je vais commencer par moi-même. C'est désolé. Hein, de... Attends, juste en PS, Anto, c'est toi qui as mon Blu-ray un jour, je crois ? About Time ? Non, un jour, parce que je parlais du film un jour, du coup, non ? C'était ouais, pas je ça ? L'ai là, ouais. Ok, d'accord, c'était pour savoir. Un jour avec Anna Taoué ? Ouais. Ouais. Oh, j'adore. Is Dark Materials, vous vous demandez peut-être ce que ça donne, du coup ? Ouais. Non, personne ne se demande ce que ça donne. Okay. Ouais, on se demande ce que ça donne. Bah, franchement, merci, merci de me faire plaisir, Joss. Pardon, Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Merci, Jérém aussi. Bah écoutez, ça donne du bien. James McAvoy est très très bon, notamment. Et Daphne Keane, excellente. Et franchement, ça se voit qu'ils ont de l'ambition. J'irais presque comparer ça à Game of Thrones dans l'ambition de l'époque, des costumes et du budget. Là, le pilote présage beaucoup de bonnes choses. Et je pense que c'est une série qui va se dévoiler au fil du temps et qui a un univers relativement assez intéressant et riche pour s'y intéresser. Donc, je vous conseille de le regarder. C'est dispo sur OCS, MyCanal notamment. Et il dure combien de temps Il dure okay. 50 minutes. Bon, ça va, c'est raisonnable. Ouais, ça va. Ok, bah après, BBC, ils n'ont pas beaucoup de bonnes séries aussi. Hein. Dire que... À part Doctor Who, je pense qu'ils n'ont rien d'autre. Bah ouais, mais Sherlock. Doctor Who, ça fait 15 ans que c'est là, et du coup, je pense que les gens, ils regardent. 15 ans Tu rigoles pareil. Ça fait 40 ans. Oh, j'allais dire plus 30 ans que 15 ans, ouais. T'as la BBC depuis 40 ans ? Ah oui, mais ça fait vraiment longtemps. Plus dur pour le Docteur Who. Moi, j'ai vraiment apprécié le film. Je ne l'attendais pas des masses, comme j'ai pu dire. Ouais, t'avais pas précédente. Très hypé quand on l'a regardé ensemble. J'étais pas très hypé, et puis je trouve que le film, il prend de l'ampleur au fur et à mesure. C'est vraiment un film historique, intimiste, qui avance au rythme de son personnage, et on le voit évoluer au fur et à mesure, jusqu'à son apogée, à la fin du film, et je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a une mise en scène vraiment viscérale, des plans incroyables, une mise en scène vraiment parfaite, j'ai pas d'autres mots, dont une scène de bataille particulièrement intense. Plan séquence. Voilà, le plan séquence, c'est ça. Voilà. Ah, il y a plein de plans séquences ? Non, il y en a un seul, mais tu le vois passer, quoi. Il est vraiment excellent. Il est vraiment viscéral et il te prend au trip. Ouais, clairement. Franchement, c'est couillu, je dirais, de prendre pour parti pris de faire un plan séquence comme. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est pas dans un épisode de Game of Thrones qu'ils avaient fait un plan séquence pendant une bataille ? Si, tout avec, à fait. Avec, à la dernière saison avec Arya. Ouais. Je pensais avec Jon Snow, moi, dans l'avant-dernière, ça me parle, mais je suis peut-être que j'ai de la connerie, hein, mais il me semblait. En tout cas, ça a fait aussi un plan séquence, Arya, quand elle est sur les explosions et tout, en pleine bataille. On va passer à la catégorie vrai ou faux, messieurs, tout à l'heure. Il y a toujours rien à gagner. En fait, on a tout à perdre. Ah ouais, t'as tout à perdre, ouais. Surtout ta dignité, toi, Jon. Oh putain. Alors, messieurs. Je remets mon titre en jeu alors. Ok, remets ton titre en jeu, très bien. Dans l'ordre logique, hein, comme d'habitude, Joss, Romu et Jerem. Première affirmation. Meilleur pour la fin. on dira ça. Première affirmation. Au lieu de faire appel à des effets spéciaux, Tim Burton a fait dresser 40 écureuils à casser des noisettes pour Charlie et la chocolaterie. Vrai. Vrai. Vrai. Pardon, excusez-moi. Vrai. C'est vrai, messieurs. Félicitations à tout le monde. Samuel L. Jackson a joué dans le film Des serpents dans l'avion seulement parce qu'il porte ce nom-là. Faux. Seulement parce que le film s'appelle Des serpents dans l'avion. Ah, vrai, vrai. Moi, je dirais vrai parce qu'il est capable vraiment d'avoir ce genre de réaction. Ouais. Vrai, c'est un malade mental. C'est sûr que c'est vrai. Ok. Ryan Gosling aurait été choisi dans le rôle principal de Blue Valentine car le réalisateur cherchait quelqu'un de pas très beau. C'est vrai. Alors, attends. Mais calme-toi, Jérém, tu prends bien. Pardon, excusez-moi. Bah, j'allais dire, je suis fan de ce film, fan absolu de ce film. Et en fait, j'ai un doute parce qu'il me semblait avoir vu ça, mais je suis pas sûr que ce soit pour Blue Valentine. Donc, en fait, j'allais dire faux, mais vu que Jay a hurlé, c'est vrai, bah, je vais dire c'est vrai. moi, je vais dire que c'est faux parce qu'on a eu deux anecdotes vraies au début, donc je pense que. Attends, donc toi, tu te bases sur les stats. Ouais, voilà. Ah, mais... En tout cas, bien joué à Jérém qui embarque Joss dans sa chute. Il s'agit de son rôle pour... N'oublie jamais. Exactement. Eh putain, ah, je savais, tu vois. Oh, en fait, c'était vrai. J'ai gaffé parce que j'ai dit le rôle de Noah, il n'y a pas du tout... Ah oui, j'ai pas entendu. Et bah, écoutez, messieurs, bon, vous êtes fait... bravo à Jérém, pardon, à Romu qui prend la tête. Quatrième affirmation. Dans Iron Man et Avengers, Jarvis est l'acronyme de Just Very Intelligent System. Vrai. Faux. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Oh, on l'égalité. Suite à la sortie de Top Gun au cinéma, le recrutement dans la marine a augmenté de 2000%. Je sais qu'il y a une grosse stat qui est... Enfin, attends, je commence ma phrase. Je me mélange les pinceaux. Je sais que l'armée a eu beaucoup de demandes après le film Top Gun, mais je pense pas que ce soit 2000%, donc je dis que c'est faux. Moi, je dirais que c'est faux. C'est un peu guéré quand même, 2000%. Voilà quoi, bon, y a Tom Cruise, mais bon. Ouais, c'est faux, ouais, je dirais que c'est faux. Soit ça a été exagéré, ou soit ça se trouve, il y a même plus. Hein. Ça a été exagéré, bravo monsieur, c'était 500%. C'est déjà énorme. Ouais, c'est ça. Daniel Radcliffe a porté 2800 paires de lunettes dans la saga Harry Potter. Faux. Vrai. Ouais, je dirais faux, mais bon, j'en suis pas sûr. 2800, je me suis rendu compte en le disant que c'était peut-être un peu exagéré pour la stat. Puisque je sais pas s'il a tourné pendant plus de 2800 jours ou pas. Mais en tout cas, c'est faux, c'était 160 paires de lunettes. Mais je vois que Romu, toi, apparemment, mettre beaucoup de lunettes, ça te dérange pas. Non, pas du tout. Ben, il a des lunettes en plus. Écoute, il a des lunettes, en effet. Il a peut-être une bonne assurance aussi. On a 4 points pour et 5 points ex aequo, les gars, chacun. Voilà. Yeah. Ben voilà, on a défoncé Romu. Bon, ben, bien joué, les mecs. Bah, bien joué à tous, hein. C'est normal. Passons. Aïe. C'est prétentieux, le mec, putain. Mais attends, Joss, pendant que tu fais le fou, tu peux faire ton recommandement si tu veux. Ah, c'est un très beau recommandement en plus. Bon, du coup, je vais vous parler du film Quelques minutes après minuit. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon qui a de plus en plus de mal à faire face à la maladie de sa maman. Et aussi, en plus, à côté de ça, à l'école, il est harcelé par les enfants de sa classe. Donc, du coup, pour fuir son quotidien qui est assez dur, chaque nuit, en fait, il va dans un monde imaginaire qui est raconté par un monstre qui lui rend visite. Donc, du coup, on est vraiment sur du cinéma un petit peu fantastique. Et voilà ce qu'on est de l'histoire. Au niveau du film, il est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur que j'aime énormément, mais énormément, énormément, parce que c'est un réalisateur qui est un vrai conteur d'histoire. Il a un talent dingue dans sa mise en scène. Pour vous dire un petit peu, il a fait The Impossible, Jurassic Park, Fallen Kingdom et L'Orphelinat, qui est juste un bijou de poésie et de film d'horreur, entre guillemets. Donc du coup, pour revenir à Quelques minutes après minuit, on est vraiment sur un film fantastique, un conte féerique en quelque sorte. Le film, en fait, a une force, c'est qu'il a un côté animation, parce que les histoires que le monstre va raconter aux petits garçons sont faites en animation. Un petit peu particulière, moi je suis pas un expert en animation, mais c'est un petit peu du pastel, ça joue aussi avec des gouttes d'encre qui tombent en fait sur comme si sur une toile, et ça fait une histoire, enfin c'est magnifique. Au niveau du casting, on a donc Lewis McDougall qui joue le petit garçon, personne, je le connaissais pas, mais il est juste bouleversant dans le film. Après on a Sigourney Weaver qui est beaucoup plus connue, Felicity Jones, Toby Kebbell qu'on voit dans la bande-annonce de The Grudge qu'on a parlé un petit peu plus tôt, et Liam Neeson qui joue le monstre. Et au niveau de ce film, j'ai une petite anecdote, c'est que c'est un des films qui m'a le plus fait pleurer. Je trouvais que c'était bouleversant. Et en fait, quand je suis allé voir ce film, on n'était que deux dans la salle, il y avait moi, et 3-4 sièges plus loin, une dame qui devait avoir 40 ans, qui était seule. Et à la fin du film, quand le générique arrive, on s'est regardé, on était tous les deux, mais en larmes, et on a souri. Et en fait, c'est ça la force de ce film et la force du cinéma, c'est que ça nous a fait pleurer tous les deux, on se connaît pas, on est deux étrangers et on s'est regardé et en fait on est en train de chialer nos races. Et voilà, c'est vraiment un film qui est un petit peu dur parce qu'il parle quand même de quelque chose de délicat, il parle de la maladie, donc du cancer, et comment un petit garçon de 10 ans va faire face au cancer de sa maman. Mais c'est juste magnifique et c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu. Bah, c'est beau. C'est beau. Voilà ce qu'on peut en dire, c'est beau, tout comme le film. Ouais, j'ai lâché une larme, là, vraiment. Ah ouais, tu l'as bien vendu, là. Ça m'a énormément donné envie de le regarder. Ouais, c'est très bon. Ça m'a donné envie de le revoir. Okay. Moi aussi. Oh bah, très bien. Bah, moi, je l'ai pas vu. Et je suis d'accord avec toi, il y a une vraie poésie autour de l'enfance et de la manière de percevoir la maladie pour, ouais, pour l'enfant, justement. Bah, c'est un peu des thèmes un peu qui sont chers à Bayona, d'ailleurs, hein, parce que dans L'Orphelinat, ça parle aussi d'enfance. Dans Jurassic Park, il y a quand même aussi un gros passage sur l'enfance. Jurassic World, pardon, oui, pardon. Ah oui, c'est vrai. Jurassic World, Fallen Kingdom, pardon, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est quand même un sujet, l'enfance, qui est un petit peu toujours au cœur de Bayona. Et de toute façon, dans une émission future, je parlerai plus en détail de Bayona. Et par contre, petite parenthèse, dans ton avis, tu as dit que Toby Kebbell, on a pu le voir dans la bande-annonce de The Grudge, mais c'est pas plutôt dans la bande-annonce de Servante ? Non, non, The Grudge. Ah bon ? Ah, il me semble, non ? Toby c'est Kebbell, moi qui... je me trompe peut-être. Mais... Toby Kebbell, c'est pas le... Mais si, Toby Kebbell, c'est le barbu... Ah merde, ouais. Attends, c'est moi qui j'ai noté, je me suis trompé, alors. Mais à coup c'est dans Servant, c'est Toby Kebbell. Ouais, ouais, pardon. Mais à coup c'est le mec qui chope le bébé, là, dans le lit. Ah oui, c'est lui qui chope le bébé dans le lit, ouais, ça arrive, oui, pardon. C'est très amical, c'est très affectueux, je trouve. Bah ouais. Bah écoute, Jérémy, on passe à peut-être ton recommandement ? Ouais, vas-y, ça marche. Ben, allez, moi, je voulais parler... Attends, juste si tu peux me permettre, ouais, pour te poser le contexte. Du coup, tu m'as prêté le Blu-ray, là, il est là-bas. Dans l'instant, oui. Là, j'ai pas envie de le voir, j'ai envie de voir Pleasantville d'abord. Est-ce que tu vas te donner envie de le voir ou pas ? Je vais te donner envie de le voir, j'espère. Mais Pleasantville, il est aussi très bien, donc les deux, tu peux les regarder. Personne n'a vu un jour ? Enfin, non, Romu, tu m'as dit que tu l'avais pas vu, c'est ça ? Non, je l'ai pas vu. Allez, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, ouais. Ok, moi j'ai deux personnes à essayer de convaincre. Donc le film Un jour, du coup, c'est avec Anne Hathaway, donc vous avez dû voir dans Interstellar, hein, le grand Interstellar, évidemment. J'ai pas d'autres titres en tête, mais j'en ai vu d'autres avec elle. Batman, mais non, mais j'ai vu dans plein d'autres films. J'ai dû elle l'avoir a fait dans Colossal, 5. Façon. Colossal, ouais. J'ai dû l'avoir dans 5-6 films. Et j'ai le pas... Diable s'habille en Prada. Ouais, bah classique, hein, celui-là. Ouais, bah t'inquiète, on sait qui c'est Anne Hathaway. Hein. Voilà, bon, ça marche. Jusqu'à là, on ça marche. La petite Anne. Je vous dis vite fait le synopsis, mais après, je vous dis un peu ce que moi, concrètement, j'en pense pour vous donner envie. Donc, Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d'études et décident de rester amis. Lui est insouciant et frivole, et elle est bourrée de complexes. Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s'adorer, se séparer, se détester, se manquer. Finiront-ils par comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu'ils sont ensemble ? Donc, la force de ce film, pour reprendre les termes de Joss, c'est que c'est un film puissant, donc ça va vraiment traiter de l'amour, mais différemment. Voilà, c'est que par l'hasard des choses, ils vont finir à chaque fois par se re-retrouver. Donc déjà, ça c'est une force de ce film-là. Mais c'est, comment dire, les attitudes des personnages qui vont changer avec le temps. Leur couple, en fait, va faire que changer, en fait, avec le temps. Donc ils vont avoir des moments où ils sont très soudés, très passionnels. Ils vont se déchirer. Et à chaque fois, il va avoir à chaque fois groupement, on va dire, entre eux, voilà, il y a un amour qui va se construire, voilà, parce que moi, j'ai toujours pensé que l'amour, c'était pas forcément la folie, genre, on était ultra amoureux, c'est souvent au début, on va dire, et après, je trouve que l'amour se construit au fur et à mesure, c'est totalement, je trouve, ce que évoque ce film-là, voilà, c'est la construction de l'amour, et qui devient clair comme de l'eau de roche, en fait, finalement, donc, je vous dis pas la fin, parce que la fin est vraiment belle et déchirante, on va dire, en soi. Donc, je conseille ce film, voilà, pour toute cette force, avec un jeu d'acteur vraiment qui est assez fort. Donc, je vous conseille ce film-là. J'espère que je vous ai donné quand même envie, parce que c'est un film à petit budget, un film qu'on parle peu, mais c'est une petite pépite. Bah, écoute, très bien. Moi, tu m'as donné envie. C'est qui, l'homme ? L'homme, attends, je te dis. J'ai le nom de l'acteur, mais je crois qu'il a, il me semble qu'il n'a pas fait beaucoup de choses. Je l'ai déjà vu et j'arrive pas à dire dans quel film. C'est Jim Sturgess. Je vais regarder tout de suite. Ah oui, d'accord. Je vois que c'est. Attends, je l'ai vu dans un film, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, bah écoute, c'est pas un acteur qui m'a plus marqué que ça, mais dans ce film, il joue très bien en tout cas. Il a joué dans Geostorm. Ouais, mais Geostorm. Mais il a joué dans Cloud Atlas, on voit beaucoup. Ah, bah c'est pour ça, ok, mais j'ai pas du tout aimé ce film-là. Ah ouais, mais ça, vraiment pas. Après, du coup, si je peux rajouter un petit truc sur le film un jour, enfin, c'est pas rajouter, c'est pour aller dans le sens de Jay, parce que moi aussi, j'ai adoré ce film. En fait, si vous voulez, c'est un peu vendu comme un film d'amour, parce que c'est un film d'amour, hein, c'est un peu vendu comme ça, et quand tu racontes un peu l'histoire, tu te dis, oui, c'est un film d'amour un petit peu basique, comme on en a vu plein, mais pour moi, je le mets un peu dans une catégorie à part, parce qu'il raconte l'amour d'une manière un petit peu différente des autres films un petit peu gnangnan à l'eau de roche qu'on connaît. Moi, je mettrais un petit peu comme Blue Valentine. Tu vois, Blue Valentine, pour moi, c'est... mais il traite l'amour d'une manière un petit peu différente, quoi. C'est pas comme N'oublie jamais, c'est pas comme comme tout ça. Toi, N'oublie jamais, j'adore ce film, mais c'est vraiment le film d'amour classique. Il s'aime, il casse et il s'aime à nouveau. Là, c'est un peu différent. Et le film, je suis assez d'accord avec toi. Ça raconte l'amour vrai, en fait, finalement. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, c'est un peu comme Blue Valentine. C'est beaucoup plus réaliste et beaucoup moins conte de fées, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Un jour, je trouve que c'est très beau. Et puis, Anne Hathaway, elle est vraiment ultra pétillante dedans. Et voilà. Ouais, ça utilise l'amour brut de décoffrage, en fait, hein, finalement. Mmh. C'est quand il y a une rupture, voilà, c'est vraiment brut de décoffrage. C'est vraiment bien foutu. Et il est disponible sur Netflix ou... Je sais pas, je l'ai embourré, moi, donc je sais pas. Je crois pas l'avoir vu sur Netflix, hein. Mais il me semble pas non plus. Ça me dira. Après, c'est pas un truc que je pense qu'il nous proposerait. Je pense qu'il faut le chercher, mais il me semble pas. S'il peut y être quelque part, je pense que ce serait sur Amazon Prime Video. Peut-être. Je pense que c'est les seuls qui proposaient ça. Je suis un peu plus d'accord avec toi. Ok, ben je regarderai dès ce soir. Ok, ben écoute, merci Jérém. Romu, il dure Guanadotir. Ok, ça se prononce presque comme ça, je suppose. Qu'est-ce que tu veux nous dire dessus ? Mais on passe déjà sur les chroniques. Bah, t'as pas de recommandement, moi ? Ouais, justement, je pensais que ça... J'en ai pas. Ok, d'accord. Bon, enfin, moi, j'en ai un, mais c'est ma chronique, donc okay, t'as regardé comment ça se prononçait ? J'ai écouté, surtout, parce que j'ai écouté le début d'une interview, et elle prononce son prénom et son nom, donc... C'est juste Hildur Gunnadóttir. Voilà, ok, c'est vraiment okay pas donc tu prononces pas de... C'est un prénom islandais, un prénom et un nom islandais, d'origine islandaise. Attends, mais Hildur ? Attends, c'est une femme, ça fait quand même très masculin. Ouais, c'est une femme. Ça fait Hildur en mode combat, tu vois. Ah, d'ailleurs, la compositrice du film Joker, elle s'appelle pas Hildur aussi ? Disons que tu viens de spoiler la chronique, puisque c'est elle. Oh putain, pardon ! Non, mais c'est pas grave, mais c'est juste qu'elle s'appelle. Enfin, c'est juste la compositrice de Joker. Alors, Hildur Gunnadóttir, c'est une jeune compositrice et musicienne, plus particulièrement violoniste islandaise, qui a composé les bandes originales de. Deux fictions marquantes de l'année 2019, à savoir Tchernobyl et Joker. Film pour lequel partition à la fois dense et dérangeante, principalement au violoncelle, que j'ai beaucoup aimé personnellement, et j'espère me la procurer. Avant ça, elle a œuvré comme violoncelliste sur les bandes originales de Prisoners, Sicario et Premier Contact de Denis Villeneuve, et plus récemment sur le film Marie-Madeleine. Si ça vous parle. C'était quoi ton dernier film ? T'avais dit un film juste avant Marie-Madeleine, ouais. Il me semble. Je suis pas The Revenant. Ouais. Ah ok, d'accord, ça marche. j'ai voulu vous faire cette petite chronique parce qu'elle est vraiment super petite. Parce que quand on parle du succès d'un film, on parle généralement du talent du metteur en scène, de l'acteur, et on met jamais en avant, ou très rarement, les compositeurs ou compositrices, en l'occurrence la compositrice. Donc c'était une manière pour moi de parler de bandes originales, parce que sans le son, on pourrait pas parler d'audiovisuel. Voilà. C'est marrant que tu dis ça, enfin c'est pas marrant du tout, mais... Moi, je suis d'accord avec toi, mais on évoque... Hans Zimmer ou John Williams. John Williams aussi, bah, qui fait plus grand-chose, John Williams, quand même. C'est vrai. Mais Michael Giacchino aussi, lui, on en parle très souvent. Alors ouais, pour le coup, c'est Giacchino, mais ouais... C'est Giacchino. C'est le mec qui a fait le droit, Arthur. Et celui-là qui a fait aussi les musiques de Lost. Donc, mais il a fait d'autres musiques, d'ailleurs. Non, mais après, t'as les compositeurs comme Alan Silvestri, James Horner qui nous a quittés. Ils sont toujours... leurs musiques, elles ont toujours une importance folle dans le film. Et d'ailleurs, c'est... Pour moi, la musique d'un film, comme t'as dit, c'est tellement important. D'ailleurs, dès que je fais une critique vidéo d'un film, je parle toujours de la musique, en principe, surtout quand c'est marquant. Parce que oui, comme t'as dit, la musique d'un film, c'est l'âme du film. Voilà, t'as le film, mais la musique, c'est ce qui te rajoute de l'âme et ce qui peut te donner envie de revoir un film aussi. Parce que des fois, c'est faux, dans 3 ans, tu marches dans la rue, tu vas entendre la musique du Joker et bim, ça va te donner envie d'aller voir le film, tu vois, et c'est grâce à la musique. Donc, ouais, je suis d'accord. Bah moi, c'est ce qui m'a fait entrer dans le film Joker, vraiment, c'est cette bande-son vraiment dérangeante qui m'a fait entrer dans le film dès les premières séquences, les premières minutes. C'est vraiment, vraiment glauque. On entre dans un univers assez dur, assez froid. Pour moi, la musique, elle agit vraiment sur l'inconscient du spectateur. Je sais que moi, si j'entends par exemple la musique de Retour vers le futur, je vais penser instantanément au film. Tu vois. Ça agit vraiment. Oui, par exemple. Quand elle est vraiment forte, comme tu dis, vraiment, tu te souviens d'une émotion que tu as eue en salle ou devant ton petit écran. On a cité plein de compositeurs masculins, mais est-ce que vous pouvez me citer des compositrices? Oui, moi je connais Hildur. Oui, j'ai fait Hildur. Ouais. Ouais. Non, honnêtement, ce que tu dis, c'est très vrai. Et à part Hildur, du coup, je serais incapable de t'en citer une. C'est vrai. Exactement pareil aussi. Donc, faut mettre en avant ces femmes de l'ombre, on va dire. Bah, et t'en connais toi ou pas? Non. Ouais, non. Ouais, parce que. Bah, déjà, parce que les trois quarts, c'est quand même des chefs d'orchestre. Et des chefs d'orchestre femmes, il ne doit pas y en avoir des masses, pour le coup. Non, c'est vrai. Bah, c'est peut-être juste dur de se faire connaître, tout simplement. Oui, mais je pense que ça fait partie. C'est masculin. Voilà, je pense que c'est un milieu très masculin et que c'est très compliqué pour les femmes. Ça prend du temps, en fait. Même être réalisatrice, c'est de plus en plus, quand même. Mais quand même, on est d'accord, il y a quand même plus de mecs. Et c'est de plus en plus dur, mais on en voit de plus en plus. C'est comme ça qu'est à souligner. Oui, enfin, c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais ça se développe. Ça se développe au fur et à mesure. Alors, regarde, il y a plus de femmes qui sont à la police, des choses comme ça. Bon, là, on va dans un débat. Les femmes peuvent voter aussi, enfin, tu vois, je veux dire. Non, mais il y a vraiment, enfin, genre, dans c'est la réalité que malheureusement notre société, on a pas toujours été égaux et ça se ressent maintenant, quoi. Et là, maintenant, on passe sur BFM. Très bien, passons à ma chronique, messieurs, sur l'Apple TV+. Vous en avez entendu parler ou pas du tout? Ah, pas totalement. Du tout. Si, là, bah, c'était un peu comme Disney+ et tout, non? C'est ça? Oui, c'est un service de SVOD, ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Donc, Moi, j'en ai entendu parler aussi. Mais je vais pas spoiler ta chronique. Ok, bah écoutez, je suis au courant de pas mal de séries. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que j'en ai pas du tout entendu parler, c'est que je sais ce que c'est, mais j'en sais pas plus en détail. Je sais pas ce qu'ils vont vraiment proposer exactement. Voilà, je sais pas. Ok, mais écoutez, je vais vous donner les détails. À la lancée du service, à votre avis, combien il y avait de contenu? Je parle pas de contenu originaux ou de contenu normaux, je parle de contenu au global. Il me semble énormément, non? Il y avait pas un truc comme ça où c'était genre énorme? D'accord, mais t'aurais pas un chiffre? Franchement, je vais dire des bêtises, je sais pas du tout, mais il me semble, j'ai cru que vous disiez qu'il allait avoir beaucoup de choses. Ok, vous avez une idée, vous, les gars? Moi, je dis zéro. Ouais, ils vont pas lancer un service avec zéro truc dessus. Non, original à eux, s'il faut, ils ont rien encore. Enfin, non, il a dit pas original, justement, c'est ça? Ah, pas original? Ouais, il a dit, entre pas original et original. Ah, putain, je sais pas, moi. Aucune idée, franchement, j'en ai aucune idée. Moi, comme c'est Apple derrière et que. Je pense qu'il y a une grosse machine quand même. Je dirais peut-être 1000 ou 10 000. Ok. Eh bien, vous avez tous les trois torts puisque c'est 7 en fait. Ah, hein? J'étais pas loin, moi. Donc, tu vas sur Apple TV+, il y a zéro contenu non original en fait. Ils ont lancé leur service de SVOD le 1er novembre avec 7 contenus originaux que sont 4 séries dont je vais vous parler après puisqu'elles sont bien en fait de manière générale. Elles sont même très très bien, plutôt quali. Et un documentaire. Ah, si, pour le coup, pardon, documentaire, c'est pas deux. C'est un documentaire qui date de 2018 qui avait été présenté à Mostra de Venise. Un truc sur une mère éléphant, je crois. Et okay. un autre truc pour les enfants. Bref, il y a un contenu qui est non original et 6 contenus originaux. Et donc, on va parler des contenus originaux. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de la plateforme. Est-ce que ça vous intéresse peut-être? Enfin, je l'espère. Donc, évidemment, c'est la plateforme d'Apple. Les deux premiers épisodes de chaque série sont disponibles gratuitement à tout moment et pour tout le monde. Ce qui fait que là, si vous allez sur Apple TV maintenant, vous pouvez tout regarder sans vous inscrire. Enfin, les deux premiers épisodes de chaque série, sans vous inscrire. Ce qui est plutôt bien, en fait, pour essayer. Moi, j'ai lancé pourquoi ça marche. Je ne comprenais pas. Du coup, j'ai continué de regarder et j'ai vu qu'en effet... Bah, c'est vraiment original comme manière de faire. Parce que je sais que Netflix et Amazon proposent 30 jours gratuits, je crois. Ouais, mais, ouais, mais là, pour le coup, c'est 7 jours gratuits. Mais on va y venir, t'inquiète, sur la formule de l'abonnement. Je trouve que c'est original d'avoir les deux épisodes. Ouais, tout à fait. Bah, d'autant qu'il n'y a pas besoin de s'abonner. Pas de date limite, quoi. Oh, franchement, c'est cool. Donc, et là où moi j'ai été impressionné, c'est le doublage, doublé dans plus de 40 langues chaque contenu. Putain, donc les mecs, ça coûte un total de 4,99€ par mois avec 7 jours d'essai, ce qui est, on va dire, donné. Mais c'est aussi compliqué parce que bah, 4,99€ par mois, si tu as que 7 contenus, bon, on en parlera après du contenu qui arrivera et à quelle fréquence justement. Et c'est un an d'offert si jamais vous achetez un appareil dans l'écosystème d'Apple, iPhone, iPad, ce genre de trucs. Donc ça, c'est pas plus mal, ça peut donner envie de, si jamais vous hésitez à franchir le pas, vous achetez peut-être un iPhone. Même si on l'achetait avant ? Non, je crois pas. Ah ok, c'est mort. Ouais, faudrait regarder si c'est pas rétroactif, peut-être sur un an ou un truc. Par contre, j'ai un bon plan à vous partager, surtout pour toi en fait, c'est pour les étudiants. Quand tu t'abonnes à Apple Music, donc ouais. Déjà Apple Music pour les étudiants, je crois que c'est 4,99€. Et il y a vraiment du contenu intéressant dessus. Apple Music ? Ouais. Oui, fou contenu. Je crois que tu t'en sers, Apple Music, toi, non, Jérôme ? Moi, je m'en sers tout le temps, tous les jours, donc il y a quasi tout. Hein. Ouais, voilà, c'est comme Spotify, c'est... en fait. Voilà, c'est ça. Quand tu es étudiant, tu payes que 4,99€ Apple Music, pardon. Ouais. Et en plus de ça, ils t'offrent l'abonnement Apple TV. Donc, pour 4,99€ par mois, tu as Apple Music et Apple TV+. Ah, donc je vais rester étudiant toute ma vie, en fait, c'est ça ? Bah écoute, tu peux faire ça. Autre bon plan, c'est que Apple Music, quand tu démarres, c'est offert pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, potentiellement, si tu es étudiant, tu as Apple Music plus Apple TV+, gratuitement. Et ils savent comment attirer la clientèle, quand même ? Bah pour le démarrage, ouais. Mais ils savent aussi que les étudiants sont un peu en galère, je pense. Donc voilà. Pour ce qui est du contenu, a priori, c'est un contenu original par mois, ce qui fait pas beaucoup, j'ai l'impression, mais... Je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'un contenu par mois, il doit y avoir peut-être 4 contenus par mois avec un contenu original, ça doit être un truc comme ça. Je pense que clairement ça se veut pas comme du tout comme Disney Plus qui aura des centaines de trucs à son lancement ou comme Netflix d'avoir un catalogue de ouf, mais à mon avis, ils veulent vraiment miser sur la qualité et quand je regarde leur première série que je vais vous en parler juste après, j'ai regardé les 4 justement pour préparer la chronique et ben franchement, moi je dis bravo. On a par exemple, on va commencer par Si. La série avec Jason Momoa, vous en avez peut-être entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler, mais je vais pas spoiler la suite de ta... Le showrunner, pardon, qui est derrière Si, c'est Steven Knight, à savoir le showrunner de Peaky Blinders, de Taboo aussi. Wow. Mais c'est aussi le mec qui a fait Serenity, Crazy Joe et Locke, donc le mec qui est capable de tout et de rien en même temps. quand tu vois Serenity, il est capable de tout. Et de Crazy Joe aussi, parce que franchement, c'est aussi, pas ouf, ouais. Quoi. Enfin, c'est bon, vrai, ouais. Bah écoutez, là, vraiment, pour le coup, tu sens... Là, j'ai vu que le premier épisode, parce que... bon, c'est les épisodes durent une heure. Pas pour toutes les séries, justement, je vais y venir après. Mais tu sens, franchement, tu sens... Ça, en fait, ça démarre, c'est un futur post-apo où tous les hommes sont devenus aveugles. Et le fait de parler de vision, en fait, c'est presque... c'est presque un truc de sorcière, quoi. Enfin, c'est littéralement un truc de sorcière, en fait. Tu sens que ça démarre vraiment dans le vif du sujet, ça démarre en accouchement, c'est la bagarre directement, enfin... tu sens qu'il y a un univers derrière... que le truc il est en place depuis un petit moment et le fait qu'il t'explique pas grand chose ça donne franchement du cachet à la série un peu comme le faisait Sans un bruit par exemple. Excellente photographie, je vois pas d'autres qui auraient pu faire ce rôle à part Jésus Momoa. je vois pas d'autres qui auraient pu faire ce rôle à part Jason Momoa parce que franchement chef de tribu comme ça aveugle badass qui déglingue tout le monde à coups de machette, ça lui va très très bien. La série est relativement violente bien que j'ai l'impression qu'il cache des trucs, qu'il cache un peu de gore, donc voir comment ça va évoluer, mais malheureusement, je pense que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, parce que le trailer en promettait beaucoup de choses. C'était l'un des trailers qui avait fait buzzer l'Apple TV+, à l'époque d'une Apple Keynote, je crois que c'était sorti quand ils avaient présenté la plateforme. Donc voilà, malheureusement, c'est pas à la hauteur. On a aussi For All Mankind, créé par le créateur de Battlestar Galactica. Il s'agit d'une dystopie. Vous êtes jamais demandé ce qui se serait passé si l'URSS était allé sur la Lune avant les Américains? Non, je m'en parle. Personnellement, non. Écoutez, moi non plus, je suppose que personne ne s'est demandé, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu étudier. Et dans le rôle principal, on a Joel Kinnaman, qu'on a crois, dans Suicide Squad, il n'y a pas très longtemps. On a aussi Chantel Van Den. The Boys et les frères Scott. Oui, enfin, les frères Scott, vraiment, je parlais vraiment de récemment, là, du coup. Oui, non, mais d'accord. En effet, ouais, okay. Tout à fait. On a vu dans The Boys et les frères Scott. C'est qui dans les frères Scott? C'est la sœur de... Oui, c'est bon, je vois de qui tu parles. C'est plus rapide. Vois de qui tu parles. Bon, la série, là, est bien. Parler des épisodes d'une heure, c'est pas mal en vrai. Ça, c'est, franchement, ça se regarde très très bien. Ensuite, on passe à The Morning Show. Pas compliqué. L'une des séries les plus chères de tous les temps, sortie à ce jour-là, avec 150 millions. Alors, je vais vous en parler après, parce que ça, je comprends pas ce qui s'est passé au niveau du budget. C'est une série avec Steve Carell, Reese Witherspoon... Pardon, c'est compliqué à dire. Jennifer Aniston, c'est une série qui s'inscrit dans le mouvement MeToo. Et en fait, si vous voulez, c'est l'histoire de Jennifer Aniston et Steve Carell qui présentent un morning 15 ans ensemble. Et au réveil de Jennifer Aniston, il s'annonce que Steve Carell a été viré par la boîte qui gère le morning show et annoncé d'attouchement et de violence, d'abus sexuels sur plusieurs femmes de la boîte. Donc bon, Jennifer Aniston a découvert ça, elle est là en mode « Bon, ça fait, j'étais pas au courant alors que ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, c'est un peu compliqué cette histoire. » Et Reese Witherspoon joue une journaliste, en fait, tout simplement. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé avec le budget. Steve Carell n'a pas le rôle principal, c'est plutôt Jennifer Aniston et Reese Witherspoon qui l'ont. Steve Carell est payé 600 000 euros par épisode. Et il y a combien d'épisodes? Il y en a 20. Ok, ça fait un beau budget. Pas mal, ouais. Et Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sont payés chacune 1,2 million. Pour l'entièreté de la série. Je trouve pas ça incohérent dans le sens où Jennifer Aniston, elle est pas revenue à la télé depuis Friends, il me semble. Oui, mais c'est quand même le rôle principal. Ouais, mais c'est un nom qui fait vendre. Regarde quand elle est arrivée sur Instagram très récemment. C'est ce que je te dis, c'est un nom qui fait vendre. Oui, donc, pardon, désolé. Pourquoi la peu... C'est pour les 20 épisodes. C'est pas pour un épisode. Ah, c'est ce que je dis. En fait, c'est une série qui s'inscrit dans le mouvement. Mais derrière, il y a une injustice au niveau du budget. C'est ça que je comprends pas. 600 000 euros, donc 600 000 euros, tu fais, ça fait 12 millions. Ça fait 12 millions, voilà, et elles sont payées, voilà, il est payé 10 fois plus qu'elle, alors qu'il n'a pas le rôle principal. Est-ce que ça fait pas scandale? Non. Il n'y a pas un scandale autour du salaire, là? Non. C'est étonnant, je trouve. Ouais, c'est étonnant. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur Franchement, j'y crois pas trop, parce qu'à mon avis, bah après, je crois que c'est comme ça de manière générale. Par exemple, j'ai bien mieux payé que Emilia Clarke dans Game of Thrones. Je pense que, bah, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, les femmes dans le cinéma, c'est pas toujours gagné, quoi. Oui, il y a toujours des inégalités salariales. Ouais. Et la série très très bonne, c'est Jennifer Aniston qui se voudrait vraiment avoir la vedette, mais je pense que Reese Witherspoon lui vole. Elle est vraiment excellente dedans, Reese Witherspoon, qui a joué dans Pleasantville, il me semble, Jérôme, c'est ça? Oui, exactement. Okay, tout d'accord. À fait. Et donc voilà, moi je vous la recommande parce qu'elle est très très bien. Très bien. Du coup, je vous recommande plutôt la série Dickinson avec Hayley Steinfeld dans le rôle principal. Ça raconte l'histoire d'Emily Dickinson, une écrivain, une poète du 19e siècle. Elle souhaite devenir écrivain, mais bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'inégalités. On en parlait tout à l'heure, justement, avec Joss. on en parlait très vite fait. Les femmes sont à la cuisine et font le ménage, en gros, hein, de manière générale. C'est réalisé par David Gordon Green. Par exemple, récemment, il a fait Halloween. C'est lui qui s'occupe de la trilogie Halloween, là, qui va sortir en 2020 et 2021. Et ça, c'est une excellente surprise. Les épisodes durent... Tous les épisodes sont sortis, déjà. Et c'est extrêmement bien, parce que c'est un contenu de 30 minutes. Voilà, moi, je regarde ça quand je mange. Ça se passe très bien. Et voilà, c'est pop, c'est fun, c'est trop marrant, alors que ça se veut pas du tout marrant de base, vraiment. À l'époque, on rigolait un peu moins que ça. Donc, je vous recommande vraiment Dickinson, qui est une très très bonne surprise, messieurs. Bah moi, après, je trouve que c'est trop tôt, je pense. Je veux dire, pour s'inscrire à un sens où il y a rien. Je trouve que c'est payé pour payer un truc que tu peux regarder quoi, en une semaine, en fait, finalement. Je trouve que c'est encore trop tôt, moi. Ça sera pas demain que je vais m'y inscrire. D'accord. Mais il y a bientôt, du coup, comme on en parlait tout à l'heure, il y a bientôt Servante qui arrive. Ça a l'air d'être bien, tout à fait. Mais bon, est-ce que je vais m'inscrire? C'est pas Seigneur des Anneaux, tu vois ce que je veux dire? Seigneur des Anneaux, effectivement. Bon, je l'ai déjà Amazon Prime, tu vois. Mais bon, c'est pas Seigneur des Anneaux. Donc ça me donne moins envie, forcément. Non, c'est sûr que si tu veux économiser 5 euros par mois. Je peux me permettre, les gens qui sont abonnés à Netflix, est-ce qu'ils regardent tout le catalogue? Je pense qu'il regarde uniquement 2 ou 3 titres comme Stranger Things. Il y a beaucoup de sorties maintenant. Ce que Jay veut dire, il a raison, c'est que là, demain, tu t'abonnes Apple Plus. En 2 semaines, tu as fini le catalogue. Et là, ouais, la prochaine série, ouais, Servante, mais ça sort dans 3 semaines. Donc, du coup, pendant 3 semaines, tu regardes plus. Et Servante, tu vas torcher la série. En 1 semaine, tu vas la torcher. Et après, t'attends. Tu vois, il n'y a pas assez. Il n'y a rien. C'est trop vide pour le moment. Alors, c'est vide, mais en même temps, ce que j'ai pas précisé, c'est que pour 5,99€, vous avez 6 écrans simultanés. Donc, imaginez si vous êtes 6, ça vous fait moins de 1€ par mois par personne. Est-ce que franchement c'est si cher que ça? Non, oui, non, mais après le prix va aussi avec le contenu du catalogue. T'inquiète pas que quand le catalogue va être augmenté, le prix ça sera plus 5€, ça va être 10€, 15€ comme les autres. Disney Plus, ils ont prévu un prix assez bas, non, aussi quand il y aura le. Ils ont prévenu Astra, c'est pas, mais c'est un monstre du truc. Ils vont faire mal. Hein. Ils vont faire mal. Pas les mêmes ambitions, franchement. Ouais, c'est plus, ça va être monstrueux. C'est immonde. Ouais, je te dis pas que c'est nul, Apple. Hein. Ça a l'air d'être bien Apple Plus, hein, clairement. Mais je pense que vendre Apple Plus avec si peu de contenu, c'est dur à vendre. Et moi, ça me donne pas envie de. Ça me donne pas envie d'acheter pour le moment, en tout cas. Et tant qu'il n'y ait pas de série, on va dire, hyper importante pour moi dedans, c'est pas demain que je vais. Surtout que j'ai déjà Amazon Prime, j'ai déjà Netflix. Quand Disney Plus ça va sortir, je vais le prendre direct. Si on arrive qu'avec les, enfin, si on considère que les contenus originaux, Disney Plus arrive avec moins de choses que Apple TV Plus, puisqu'ils arrivent avec Mandalorian seulement. Ouais, mais quelque part ils vont nous proposer beaucoup de classiques et tout, donc quelque part on va se dire ah ça fait longtemps que je l'ai pas vu ça, je vais peut-être le mater. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté-là où tu te dis ok j'ai maté tous les trucs, mais du coup ah j'aimerais bien remater ça. Ouais, ouais. Tandis qu'à Apple TV on va tout mater et il y aura pas d'autres trucs à côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est le petit truc dommage. Bah écoute, je suis pas d'accord avec vous pour le coup, mais tu vois, tu peux t'abonner à moi et tout torcher et on n'en parle plus et te réabonner aussi. C'est possible aussi. C'est aussi possible. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Eh ben, à bientôt, les amis. À la prochaine. Ciao. Prenez soin de vous.